Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire, avec exceptionnellement une histoire en deux épisodes, diffusée ce soir et dimanche prochain. Aujourd'hui, Jack l'Éventreur, la contre-enquête, épisode 1. Londres, 31 août 1888, sous le règne de Victoria, mais très loin de Buckingham Palace et des beaux quartiers. Il est 3h30 du matin lorsqu'un certain Charles Cross, charretier de son état, s'engage avec sa carriole dans Buck's Row, une ruelle sombre de Whitechapel, un quartier pauvre de l'East End. Malgré l'obscurité, son regard est soudain attiré par une longue forme sur le sol. Il arrête son cheval, s'approche et découvre, avec stupeur, le corps sans vie et atrocement mutilé d'une femme. Cette prostituée de 43 ans, bientôt identifiée par la police, s'appelle Mary Ann Nichols, surnommée Polly. N'ayant pas les 4 pence pour payer sa nuit à l'hospice, elle avait longtemps erré dans les rues, ivre, à la recherche d'un hypothétique client, avant d'en croiser un, hélas, son tueur. C'est avec ce crime, resté à jamais impuni, que débute une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire policière, qui, plus d'un siècle après, n'en finit pas de hanter les imaginaires, celle de Jack l'Éventreur. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Dominique Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du crime, des transgressions et de la culture de masse, l'auteur notamment d'un livre qui fait référence sur le sujet, sur les bas-fonds. Alors ce soir et dimanche prochain, je vais raconter donc l'histoire d'un fait divers finalement, un des plus célèbres qui soit, le fait divers, l'histoire de Jack l'Éventreur. Mais ce fait divers, quand même très particulier, n'en finit pas donc de nourrir les fantasmes, les interrogations très très longtemps après. En quoi ce fait divers est-il si spécial ? Vous avez raison, c'est sans doute effectivement l'affaire criminelle qui a fait couler le plus d'encre et puis qui est connue évidemment en Grande-Bretagne, mais par-delà les frontières, c'est sans doute une des histoires les plus connues au monde. Pourquoi ? Sans doute en raison effectivement du caractère impuni. On n'a jamais su qui était le tueur ou les tueurs et on ne le saura jamais. Pas des crimes impunis, il y en a beaucoup. Oui, mais là effectivement des meurtres de femmes en nombre. Il y a les meurtres canoniques et il y a tous ceux qu'on attribue à Jack the Ripper. Et puis là, le caractère de l'extrême violence, le caractère extrêmement glauque, abominable de ces éventrements, de ces mutilations portant effectivement sur le corps des femmes qui a suscité d'abord un électrochoc dans la société victorienne de l'époque, de la fin du XIXe siècle, et puis qui a vraiment franchi les frontières et constitué sans doute le premier type de ce qu'on appellera par la suite les tueurs en série, c'est-à-dire un crime qui à la fois effectivement arrivait à conjuguer l'horreur et la violence des actes criminels, l'extraordinaire passion publique et médiatique qui s'en emparait, et puis aussi l'interrogation criminologique, psychiatrique, médicale, psychanalytique par la suite. C'est l'interaction de ces éléments qui en fait peut-être la première grande affaire de ce qu'on va appeler après les serial killers. On l'utilise déjà ce terme à ce moment-là ? Je suis pas certain, on l'utilisera après, mais effectivement on est là, il y a bien sûr eu des tueurs en série autrefois, mais il n'y avait pas cette alchimie-là qui se conjugue autour de ces trois éléments, les crimes, la presse et la science. C'est peut-être aussi l'époque où on découvre l'inconscient. Enfin, on n'est pas très loin quand même de Freud. Quelques années après, les psychiatres, en tout cas depuis les aliénistes, comme on dit à l'époque, depuis le début du 19e siècle, se sont mis effectivement à vouloir lire la réalité du crime dans des tas de symptômes. Quand on peut les trouver dans le cas de l'Éventreur, on va un peu les fantasmer. Alors Dominique Khalifa, vous nous parliez de la société victorienne. Qu'est-ce qu'est l'Angleterre justement en 1888 ? C'est le pays, hein, c'est le standard effectivement du monde développé, du monde occidental. C'est le pays le plus développé. C'est le pays, l'atelier industriel du monde, c'est la grande puissance financière, c'est la grande puissance coloniale, hein, c'est l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. Ouais, la reine Victoria est aussi impératrice des Indes, et puis surtout Londres est... Je ne sais pas si on peut dire la plus grande ville du monde, ça c'est quand on a un regard très européano-centré. En tout cas, c'est la plus grande ville du monde occidental, de très très loin, et qui a connu un essor démographique exceptionnel depuis le début du 19e siècle. La ville est passée d'à peu près 1 million d'habitants au tout début du siècle à presque 6 millions à la fin du 19e siècle. Nourrie de tout, bien sûr d'abord de tout l'exode rural qui fait vider les campagnes au profit des grandes villes où il y a du boulot, où il y a du travail, où surtout les paysans chassés des terres viennent se réfugier, mais aussi Londres, bien sûr, attire des émigrés du monde entier. l'Irlande de longue date, mais à la fin du 19e siècle aussi, de tout le monde russe, les Juifs par exemple, qui quittent la Russie des pogroms et des persécutions qui arrivent en nombre, c'est important pour l'affaire de l'éventreur, est vraiment effectivement une ville qui connaît un essor foudroyant avec toutes les pathologie que cela peut susciter. Pathologie urbaine, le développement de la pauvreté, d'une misère extraordinaire, de taudis, l'entassement, le travail précaire, le chômage, la prostitution, la délinquance. On a en quelque sorte une sorte de concentré dans cette ville qui est la ville de la modernité, un concentré de toutes les pathologies que la société industrielle peut créer, qui est assez extraordinaire, et qui explique aussi pourquoi tout d'un coup, cette affaire-là qui va surgir dans son horreur la plus brutale, l'éviscération de prostituées dans la rue, c'est horrible. Pourquoi cette affaire va quand même créer cette sorte de d'électrochoc dans les sociétés du temps. Oui, il y a donc des quartiers très très pauvres, enfin c'est pas tout Londres, non, hein. C'est surtout ce qu'on appelle l'East End, voilà, c'est la partie est de la ville qui s'étend le long de la Tamise, qui sont les quartiers industriels, qui correspond aussi à tous les docks et à tous les entrepôts qui le soir effectivement deviennent des endroits assez déserts. L'année qui précède l'affaire de l'éventreur, le pré-sociologue Charles Booth va faire une cartographie rue par rue de ces quartiers misérables de l'East End pour tenter effectivement de voir comment on aboutit dans la plupart des temps à une misère qui est extrême. Il invente à cet égard la notion de poverty line qui est une réalité sociologique nouvelle. C'est assez important parce que tout d'un coup on va arrêter de dire, enfin on va moins dire après lui que c'est le vice qui règne et on va mieux comprendre les ressorts sociaux et économiques qui produisent cette misère extrême des bas quartiers, des bas fonds, de l'underworld de Londres, pour parler comme les contemporains. Le quartier de Whitechapel, où se passe cette histoire, est aujourd'hui un quartier branché de Londres, hein, Brick Lane, c'est là où on va se promener, Spitalfield, le marché, etc. Mais à l'époque, les bourgeois du West End n'allaient pas s'encanailler par là. Non, les gens du West End... Alors, ils pouvaient y aller parfois sans canailler la nuit, car il y a toujours effectivement ce ressort effectivement d'aller voir un peu ce qui se passe dans les coffee, dans les gin shops ou dans les mais non, effectivement, c'est un quartier qui est dangereux, c'est un quartier où la délinquance est forte, même si ça on le dit pas assez. La violence homicide baisse à Londres au 19e siècle, comme d'ailleurs dans tous les pays occidentaux. Mais en même temps, elle fait peur. Et pour cette société qui est en train plutôt de se pacifier, de rentrer dans les quartiers ouest, dans le confort de la consommation moderne, Whitechapel et l'East End, c'est juste l'horreur. Alors voilà, le décor est posé de l'histoire que je vais raconter, une histoire vraie, même si l'auteur, Stéphane Michaka, pour mener à bien cette intrigue, a apporté sa part d'invention romanesque avec le talent que l'on connaît. Tout de suite, Jack l'Éventreur, la contre-enquête, épisode 1, un texte donc de Stéphane Michaka, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. C'est encore pire que dans mon souvenir. Tous ces vagabonds, ces pauvres diables en guenilles recroquevillés sous les porches, ils n'ont même plus la force d'attendre devant l'hospice ou la soupe populaire. À quoi bon rester ici? Elle ne viendra pas. Lisa, McGee, qu'est-ce que tu me fais faire? 3 heures que je tourne dans Whitechapel. Ce labyrinthe de ruelles va finir par me rendre fou. Je vais quand même pas retourner aux Ten Bells. Leur bière a un relent d'abattoir. Entrez pas là-dedans, monsieur. Venez plutôt avec moi. Je ne vous avais pas vu. Quand je veux, je suis couleur brique. Je me fonds dans le décor. Mais pour un shilling, je deviens blanche comme neige. Lisa? On se connaît? C'est moi, Jim Finch, de Poplar. Spotty? Je t'ai cherché partout. À l'Apollo et à l'Eagle. On m'a dit que tu faisais le trottoir. Et alors? Tu cherches de la compagnie? Lisa, ne reste pas dans la rue. Tu as entendu ce qui s'est passé à Bucks Row il y a 2 jours? Ouais. C'est le temps pour les filles comme moi. Pour ça que t'es descendue des quartiers chics? Je m'inquiète pour toi. Tu t'inquiétais pas quand j'étais serveuse. Un assassin court les rues. Tu risques à tout moment de... Je risque à tout moment de crever de faim. D'accord. Prends ça. De quoi te mettre à l'abri pour quelques jours. Je pensais pas que t'étais aussi riche. Je le suis pas. Alors garde ton pognon. Je suis plus la petite Lisa que tu poursuivais dans Poplar. Londres, 2 septembre 1888. Depuis 3 jours, tous les regards sont tournés vers l'East End. C'est dans ce dédale de rues étroites aux murs noircis par la suie qu'un crime atroce a eu lieu. Le vendredi 31 août, à l'aube, le corps de Mary Ann Nichols, une prostituée surnommée Polly, a été retrouvé à Bucks Row, une ruelle pavée sans éclairage nocturne. Les premières constatations du légiste font froid dans le dos. Contusion au visage, gorge tranchée et sur l'abdomen, une large blessure au contour déchiqueté. L'arme du crime, un couteau dont la lame pourrait être longue de 17 cm, n'a pas été retrouvée. Pas plus que l'inconnu qui s'est acharné sur la pauvre Polly. Dès le lendemain, l'onde de choc s'est propagée hors de Whitechapel. Pour la première fois, un quotidien respectable comme le Times se penche sur le meurtre d'une infortunée. Dans la presse conservatrice, le mot prostituée est banni. L'Angleterre ne le sait pas encore, mais un assassin d'un genre nouveau rôde dans ses bas-fonds. Finch, je me disais bien que c'était vous. Le bruit de mes pas dans l'escalier ? Votre silhouette à travers le verre des polis, la mèche rebelle, sous le N de bureau d'enquête. Rien n'a changé ici ? En apparence, Finch, en apparence. Hein, vous permettez que je signe cette paperasse ? Je vous en prie. Tandis que Basil Huntley paraffe des documents avec le menton relevé des gens de la City, Finch ne peut s'empêcher de sourire. Ces deux hommes-là se connaissent bien. C'est dans ce bureau orné de cartes maritimes à la gloire de l'Empire que s'est nouée leur amitié. Au gré d'enquêtes pour le compte de l'Atlantic Mutual, une distinguée compagnie d'assurance. Mais au fil des mois, le jeune Finch, issu des quartiers populaires, s'est senti de moins en moins à l'aise dans le milieu guindé de la City. Aux enquêtes pour fraude à l'assurance, il a fini par préférer la vie trépidante de journaliste. 2 ans après la démission de Finch, Basil ne lui a toujours pas pardonné son départ. Sir Elliot McNaughton, vous en prierez de bien vouloir en tant qu'ancien président de la compagnie britannique des Indes Orientales. Sacré Basil, sa façon de me faire attendre, cette morgue que je ne lui connaissais pas, on dirait bien qu'il a été promu. Vous n'imaginez pas, Finch, la surcharge de travail causée par l'incendie des docks. La preuve ? Il ne m'appelle plus Spotty. Quel incendie ? Il a duré toute la nuit. 3 entrepôts de brandy et de gin sont partis en fumée. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Alors pourquoi ? J'ai besoin de votre aide, Basil. Lisa McGee, une amie d'enfance. Elle se prostitue dans l'East End. Vous fréquentez une prostituée ? Elle ne l'était pas quand je l'ai connue. Nos routes ont divergé. En ce moment, elle arpente soir après soir le triangle de Whitechapel. Précisément là où... Une femme de mauvaise vie... a été éventrée il y a 3 jours. Lisa ne veut pas quitter la rue, mais j'ai peur qu'il lui arrive la même chose. Avant de tomber sous les coups d'un assassin, votre ami peut mourir de 20 autres causes. Bronchite, asthme, emphysème. L'air est irrespirable là-bas. J'ai bien peur qu'il ne frappe très vite à nouveau. Il ? Depuis le début de l'année, il y a eu 2 autres meurtres similaires dans l'East End. Alors c'est pour ça que vous êtes venu me voir ? Les inspecteurs de Scotland Yard n'ont ni indice, ni suspect. Mais avec votre sens de la déduction et ma connaissance du terrain, nous avons une chance de dénicher le tueur avant qu'il ne récidive. Doubler Scotland Yard, rien que ça. Si vous ne craignez pas de salir un peu vos souliers... Désolé, Finch. Je ne peux rien pour votre ami. Je vois ça. Je ne vous prends pas plus de temps. Et ne perdez pas le vôtre là-bas. Laissez-les s'égorger entre eux. Je me souviens de l'époque où vous disiez « Nous avons hérité de l'Empire, Spotty. Notre tâche est d'en connaître les peuples. Il y a un peuple au terminus du métro, Basil. Il n'est pas trop tard pour le connaître. » »« terminus Whitechapel. La station de métro qui a ouvert en 1884 est censée relier l'East End à la City. C'est l'époque où coexistent les cabs et le tube, les derniers fiacres et le premier métro. Mais le progrès tarde à entrer dans l'East End. Deux tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les rapports des inspecteurs sanitaires sont effrayants. Dans une chambre, 9 frères et sœurs vivent, mangent et dorment ensemble. Dans un sous-sol, 6 enfants, dont 2 sont atteints de scarlatine, logent avec père et mère. Au sortir de ces taudis, les palais du gin et les pubs offrent la chaleur de l'alcool. Un piano mécanique fait refluer le vague à l'âme. Et aux petites heures du jour, quand ferment les débits de boissons, le peuple de l'East End se déverse par les rues. Entre noyer son chagrin dans l'alcool et faire le trottoir, le pas est vite franchi. Comme pour Annie Chapman, qui ce samedi 8 septembre à 5h30 du matin se met en quête d'un dernier client. Dark Annie, qui c'est le premier qui m'a appelé comme ça? C'est toi, John Chapman? Paix à ta cirrhose. Ou toi, Jack Seaway, mauvais bougre? Dark Annie. Avec mon œil au beurre noir, ça va finir par être vrai. Saleté d'Eliza Cooper. Pas pu esquiver son crochet du gauche. Tout ça pour un bout de savon. C'est sa faute si je trouve personne maintenant. Qui c'est qui va me payer mon lit? 8 pennies, monsieur le réverbère. Vous auriez pas eu 8 pennies? Qu'est-ce que j'ai fait de mes pilules? Ah oui, dans l'enveloppe. Ah ben voilà, qui a pas l'air démuni. Hey, monsieur. Vous voulez poser votre sacoche un instant? Il y a une courette derrière. Pas loquace, hein? Genre grognon. Sors ta main du gilet pour voir. Ah ouais, ça me plaît mieux. Après vous, monsieur. Voilà. C'est mon recoin secret. Faut pas traîner, hein. T'entends les carrioles de Spitalfields. Les jours, c'est... À 6 heures du matin, tandis que le corps d'Annie Chapman est découvert, la robe remontée sur ses genoux, Finch se souvient de l'East End qu'il a connu autrefois. Dans une cage d'escalier de Poplar, le quartier où il a grandi, il revoit Lisa telle qu'elle était à 13 ans. Tu peux voir, mais tu touches pas, compris? Ouais. Mais vas-y, Lisa, qu'est-ce que t'attends? Il fait sombre. Je vois pas bien. Mais pourquoi tu te rhabilles? T'as très bien vu. Tu me prêtes le perroquet maintenant? Mais j'ai vu que ton nombril. Le perroquet du vieil Horace. T'as dit que tu me le prêterais. Mais tu m'as rien montré. Quelqu'un descend, restons pas là. C'est curieux. On dirait un bruit de couteau qu'on aiguise. Emmène-moi, Spotty. Je l'entends approcher, mais je le vois pas. Emmène-moi loin d'ici. Lorsque Finch se réveille, la rumeur du Strand, une des grandes artères de Londres, brouille l'image de Lisa, la complice de son enfance, quand il chapardait sur les étals de Poplar. De cette époque, Finch a gardé une étrange relique, un perroquet empaillé, à l'aile arrachée par Lisa. Jamais osé le rendre au vieil Horace. Non seulement l'aile pendouillait, mais Lisa lui avait ouvert le ventre avec un canif. Je voulais voir s'il avait toujours ses entrailles. Tu m'en veux, Spotty? Tu m'en veux? La plus futée des filles de Poplar. Mais personne ne lui a jamais mis un livre entre les mains. Personne ne l'a fait sortir de son quartier. Et moi, j'étais trop pressé de quitter l'East End. Je rêvais d'une vie meilleure. Comment ça, interdit à la presse? Ordre du patron. Basile, que faites-vous à Scotland Yard? C'est avec le meurtre d'Annie Chapman, la deuxième prostituée éventrée en 8 jours, que la presse se met à parler des crimes de Whitechapel. En ce début d'automne, la terreur s'empare de l'East End. Troublante incarnation du mal que cet assassin, surgi on ne sait d'où, est capable de frapper à tout moment, faisant trembler sur ses bases l'Angleterre victorienne. Le matin du 8 septembre, lorsque Finch déboule à Scotland Yard, siège de la police métropolitaine, il constate avec surprise que Basile l'a devancé. Qu'est-ce qui peut bien amener l'austère enquêteur de l'Atlantic Mutual à arpenter le hall de la police criminelle? Disons que je ne me satisfais pas de ce que je lis dans le Times. Ces euphémismes dans la description des meurtres, toutes ces atrocités qu'on devine entre les lignes, ont aiguisé ma curiosité. Et vos affaires en cours? Que vont dire vos employeurs? Je me suis mis en congé. Le temps de me familiariser avec l'affaire. Vous lisez la presse à sensation maintenant? J'espérais y trouver quelque chose de votre plume. Je n'y étais pas au journal ce matin. Vous devriez être de garde jour et nuit, à circonstances exceptionnelles. Mais justement, je voulais parler au commissaire adjoint. Est-il vrai que le tueur est monté un cran dans l'horreur? J'ai croisé le commissaire sur les marches du perron. Prenons un cab pour Whitechapel, je vous raconterai ça en chemin. Alors ça y est. L'affaire vous passionne. Oh, à distance, petit. Toujours à distance. Tandis qu'un fiacre, ailé devant Scotland Yard, les conduit vers le lieu du crime, notre jeune reporter se garde bien de rappeler à Basile que la veille encore, il refusait de l'aider. Depuis le meurtre d'Annie Chapman, le caractère diabolique des crimes de Whitechapel n'échappe plus à personne. Pour la première fois dans l'histoire, un meurtrier manie le couteau comme un feuilletoniste ménage ses effets, avec un crescendo dans l'horreur. Vous voulez dire qu'il ne s'est pas contenté de... lui lacérer l'abdomen de ma Pauline Nichols? Non. Après avoir égorgé sa victime, il lui a ouvert le ventre. Attendez, c'était dans le Daily News. Ah, d'après les premiers témoignages que nous avons recueillis, les intestins étaient sortis du ventre et placés sur l'épaule de la victime. Un acte gratuit. Épouvantable et gratuit. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, Finch. Je pense au contraire qu'il agit avec méthode. Quelle méthode? C'est du charcutage, de la barbarie. Dites plutôt de la dissection. Après ce que m'a dit le commissaire adjoint, l'agresseur, après avoir retiré les intestins, a pris le temps d'inciser le... Quoi donc? Eh bien, vous me pardonnerez le vocable, Spotty, mais cet assassin ne me laisse guère le choix. Il a incisé l'utérus de sa victime. L'utérus? Et l'a emporté avec lui. Je crois que j'ai besoin d'un verre. Rocher! Faisons un détour par le London Flag. Qu'est-ce qui pousse un être humain à commettre de tels crimes? Pourquoi pas deux êtres humains? Burke et Hare, Édimbourg en 1828. Ah, j'en ai entendu parler. Des revendeurs de cadavres, c'est ça? Ah, ils ne faisaient pas que les revendre. Ces messieurs maîtrisaient la chaîne de bout en bout. D'abord, ils étouffaient leurs victimes. Il y en a eu 16 ou 17, je crois. Puis ils revendaient les corps à un professeur d'anatomie en mal de spécimens à disséquer. Un certain docteur Knox. Il ignorait tout des meurtres. Enfin, c'est ce qu'il prétendait, en tout cas. Un motif crapuleux expliquerait les meurtres de prostituées ? L'assassin de Whitechapel ? Il ne les vole pas, il ne les viole pas. Il s'intéresse à leur abdomen. Et depuis hier soir... Pourquoi prélever un utérus, sinon pour le revendre ? Il me donne plutôt l'impression d'agir par passion, par revanche ou par haine. Il cible toujours les mêmes femmes, les prostituées de Whitechapel qui n'ont pas cuvé leur bière. Des filles vulnérables, qu'il peut entraîner à l'écart. Pauline Nichols avait 43 ans, la victime d'hier... Annie Chapman, on lui donne à peu près le même âge. Le tueur ne s'en prendrait pas à une fille comme Lisa, jeune et vigoureuse. Notre amie d'enfance, elle continue à faire le trottoir ? Une fille prévenue en vaut deux. Peut-être, mais... Quoi, Basile ? Deux filles prévenues ne peuvent pas grand-chose contre une lame de 17 cm. Basile est si sûr de lui. Il s'est fait une idée du meurtrier et n'en démord pas. Pour lui, l'assassin est une crapule, une brute épaisse qui tue pour de l'argent. Si Basile a accepté de m'aider, ce n'est pas pour sauver la vie de Lisa, mais pour me prouver que Listen est une bauge où on tue aussi misérablement qu'on y vit. Lorsque Finch et Basile y entrent en fiacre, une pluie grasse tombe sur le quartier de Whitechapel. Ici, les hautes formes ne ressemblent pas aux huit reflets de la City. Ce sont des chapeaux élimés, tordus comme des accordéons. En observant ces proscrits, ces parias, Finch refuse d'imaginer qu'un porteur de guenilles puisse se métamorphoser le soir en éventreur démoniaque. Et il se rappelle le croque-mitaine de son enfance. Non pas un clochard édenté ou un chiffonnier muni d'un crochet, mais la silhouette menaçante d'un médecin, cape noire, canne à pommeau d'argent et sacoche chirurgicale où tintent des instruments de torture. Dans l'Angleterre victorienne, la visite du médecin éveille toutes les peurs. Jusqu'au milieu du 19e siècle, on opérait sans chloroforme. Après l'examen du corps d'Annie Chapman, le coroner Wynne Baxter conclura « Aucune lacération inutile. L'assassin doit avoir des connaissances médicales. Un simple équarisseur s'y serait pris autrement. Selon moi, nous avons affaire à un habitué des salles d'autopsie. » Il n'en faut pas plus pour que la rumeur se propage. L'assassin de Whitechapel n'est autre qu'un médecin. D'autant qu'un témoin affirme avoir vu, peu avant le meurtre, un homme portant un sac Gladstone, la sacoche en cuir des médecins anglais de l'époque. Canterbury Street, Barbers Yard. Brick Lane. Oh, Dieu. Il a pu fuir en sens inverse. Wood Street. Church Street et Commercial Street. À moins qu'en escaladant cette palissade. La capacité du meurtrier à se volatiliser en un instant, sans être vu de personne, ne manque pas d'intriguer les enquêteurs. Sur les lieux du crime, Basile tente de mettre ses pas dans ceux de l'assassin. Finch, de son côté, frappe aux portes des taudis. Basile ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Swati ? Vous avez trouvé un indice ? Non, mais j'ai parlé à deux sœurs qui habitent l'immeuble voisin. Mmh. Esther et Irma Lifshitz, des Lituaniennes, si j'ai bien compris. Elles ont aperçu l'assassin ? Non, mais elles ont entendu un témoin parler à la police. Une femme aurait vu Annie Chapman quelques minutes avant le meurtre. Elle était avec un homme à l'aspect... minable et distingué. C'est ce qu'ont entendu les sœurs Lifshitz. Pas distingué ou minable ? Les deux. Un déguisement alors ? Un type de liste N qui essaie de se faire passer pour... Et pourquoi pas un type distingué qui enfilerait des guenilles ? Non, Spotty. Il connaît trop bien les ruelles, les passages, les cul-de-sac. C'est à croire qu'il a chronométré toutes les rondes de police. Non, vous faites fausse route, Basile. Il peut très bien venir d'ailleurs. N'entrer dans Whitechapel que pour commettre ses crimes. Ah, un touriste. Pourquoi pas ? Un gentleman. Pourquoi pas ? Spotty. Ah, vous êtes impayable. Cause toujours. Je les pose là, sur la table ? N'importe, Lisa, n'importe. 5 shillings, c'est pas ce qui paiera ton loyer. Fait froid, tu peux pas remplacer le carreau ? Ou au moins boucher le trou ? Je me suis disputée avec Joe l'autre soir. Casser le carreau d'un coup de coude. En fait, ça m'arrange. J'ai perdu la clé, je sais pas où, alors pour ouvrir la porte, je passe la main par le trou. Et Joe ? Qu'il crève la gueule ouverte. Marre de ces sales pattes noires de charbon. La chambre au carreau cassé de Mary Jane Kelly, prostituée à Whitechapel et jolie brune de 24 ans, ressemble à bien des taudis de l'East End. Lorsque Lisa vient rendre à son amie les quelques shillings qu'elle lui a empruntés, c'est sur le lit en fer qu'elle s'assoit, faute de place. Située au rez-de-chaussée du 13 Miller's Court, le garni fait 9 mètres carrés. Depuis que Joseph Barnett, livreur de charbon, a quitté Mary Jane, elle doit travailler d'arrache-pied pour payer seule les 1 livre et 9 shillings de loyer hebdomadaire. En cette fin septembre, son retard de loyer est de 3 semaines. Une prostituée de l'East End gagne 3 pennies par passe. Pour être quitte de sa chambre exposée à tous les courants d'air, Mary Jane devrait effectuer pas moins de 66 passes par jour. Et il ne lui resterait rien pour se nourrir. Et pourquoi tu viendrais pas vivre ici ? Dans cette turne ? Sauf les lundis et mardis. Les jours où Maria Harvey ramasse du linge dans le quartier. Elle dort avec toi, sur ce lit ? Oui, bah... C'est le meilleur moyen de se tenir chaud. Plus qu'avec un gars. Mais oui, bécasse. Les hommes, c'est de la viande froide, si tu veux mon avis. Tu me mettrais dehors à coups de pied. Je ronfle comme un soudard. C'est vrai que c'est pas grand. Si cet imbécile de Coster voulait bien vider sa réserve à brouettes, dans la cour, je pourrais y loger quelqu'un. Dis donc, c'est de froid que tu trembles ou d'autres choses ? La fille Chapman, tu la connaissais ? Seulement croisée au Ten Bell. T'as entendu ce qu'il lui a fait ? Les tripes en chapelet sur les bras. Oh, c'est les journaleux qui en rajoutent. Tout ça pour vendre du papier. Je t'assure, il l'a charcuté comme un boucher. Ouais, bah je vais te dire. J'ai entendu parler de sa dégaine. Le premier qui réplique avec une sacoche de médecin, je lui enfonce ça dans le ventre. Enfin, tu vois le topo. Moi, je sais pas me servir d'un couteau. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'un vigile du quartier passe par là. Comité des vigiles de Whitechapel. Mon cul. J'en ai croisé deux l'autre soir. Vous voulez tirer un coup gratos pour s'être donné la peine de sortir. T'as vraiment personne ? Non. À part peut-être... Spotty ? Je t'ai cherché partout. À l'Apollo et à Legal. On m'a dit que tu faisais le trottoir. Et alors ? Tu cherches la compagnie ? Lisa ? C'est de l'histoire ancienne. Je suis bête d'y repenser. Lisa McGee. Tu es aussi seule que moi. Tu devrais faire réparer ce carreau. Emmenez-moi à Covent Garden. Le Garrick Club. Il est 20h passées, ce samedi 29 septembre, lorsque James Finch quitte Fleet Street et grimpe dans un fiacre pour rejoindre le quartier des théâtres. 3 semaines se sont écoulées depuis le meurtre d'Annie Chapman. Le tueur de Whitechapel semble avoir renoncé à commettre d'autres crimes. Peut-être fait-il partie des suspects appréhendés par la police. Mais ni John Pitzer, un bottier surnommé Tablier de cuir, ni Jacob Eisenschmidt, un boucher atteint de troubles mentaux, ni Edward McKenna, un camelot muni d'une impressionnante quantité de sacs à main, n'ont vu leurs alibis remis en cause. tous ont fini par être relâchés. Bref, l'enquête piétine. Peut-être parce que l'assassin, quand il ne rôde pas dans les allées de l'East End, est trop occupé à lire les journaux. Ou peut-être parce qu'il tient à soigner sa prochaine apparition. À l'attention de la rédaction du Star, pour votre urgente considération. L'agence centrale de presse a reçu le 27 septembre une lettre rédigée à l'encre rouge. Vous en trouverez 6 juin la retranscription. Encore un plaisantin qui se fait passer pour... En ouvrant son courrier en retard, Finch s'arrête sur une missive qui a toutes les raisons de l'intriguer. Parmi les centaines de lettres prétendument signées par le criminel, celle-ci est la première à être adressée, non à un journal, mais à l'agence centrale de presse, un organisme qui alimente toutes les rédactions du pays. Cher patron, j'entends dire partout que la police m'a attrapé, mais ils ne me coinceront pas de sitôt. Eux qui se croient si malins et prétendent être sur la bonne piste. J'en ai après les putes, et je ne m'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes petits jeux amusants. J'ai versé du vrai rouge dans une bouteille de bière au gingembre pour écrire après mon dernier boulot, mais c'est devenu épais comme de la colle et je peux pas m'en servir. J'espère que l'encre rouge fera l'affaire. Ha ha. Pour ce qui est de mon prochain boulot, je découperai les oreilles de la dame et je les expédierai aux officiers de police histoire de bien rigoler. Mettez cette lettre de côté jusqu'à ce que je reprenne ma besogne, puis publiez-la. Mon couteau est si bien aiguisé que j'ai envie de m'y remettre à la première occasion. Postée du centre de Londres, la lettre a été rédigée dans une encre rouge sang. L'écriture est appliquée, sans aucune rature. Mais surtout, en la signant, le criminel s'est baptisé d'un nom que tous les journaux vont reprendre. Votre dévoué, Jack l'Éventreur. Exit les tabliers de cuir, bouchers de Whitechapel et autres sobriquets. À défaut de visage, le meurtrier a désormais un nom. L'ordure. Il est peut-être déjà dehors. Et Lisa qui continue de faire le trottoir. Jack l'Éventreur, la contre-enquête de Stéphane Michaka, épisode 1. Avec James Finch, Hector Manuel, Lisa Magui, Camille Pelissier, Basile Huntley, Pascal Renneric, Annie Chapman, Madeleine Meignier, le crieur de journaux, Ovnathan Avedikian, Mary Jane Kelly, Flore Babled, bruitage Sophie Byzance, prise de son, montage et mixage Benjamin Vignal et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Claire Chesneau, réalisation Cédric Ossire. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Jack l'Éventreur avec mon invité Dominique Khalifa. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Rockets I used to own underneath the dome and in a playground. Oh, I'm pleased, Lord save my soul. Forgive me for my role. Change our target. Oh, I'm pleased, give me a role. Don't separate the other. We don't get along, we don't get along. Don't wait for a savior, just be a good neighbor. You can come along before our time is gone. We are chocolate high, seen from the other. inside me. Oh, I plead God's heaven song. Neighborhood, une chanson choisie par Thierry Dupin. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. La réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, à la technique Théo Gomard. Dominique Khalifa, vous venez donc d'entendre le premier épisode de notre histoire de Jack l'Éventreur. Le second épisode, ce sera la semaine prochaine, il faudra attendre un petit peu. Alors en quoi ces crimes sont nouveaux, hein ? Ce sont des crimes horribles, il y en avait souvent. Comment se fait-il que ceux de Whitechapel, avant même qu'on parle du tueur de Jack l'Éventreur, suscitent autant d'effroi ? Ben, la fiction nous dit un élément, c'est-à-dire la place et le rôle des journalistes dans cette affaire. Mais là non plus, c'est pas très neuf. Il y a quand même assez longtemps qu'en Angleterre, comme d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux, les journaux et avant eux les feuilles volantes, les canards, tous ces petits périodiques là qu'on vendait un peu dans la rue, nous racontent des histoires de crimes. Mais là, depuis le milieu du 19e siècle, et avec cette affaire-là, il y a des choses un petit peu différentes qui se mettent en place et que la fiction montre bien. C'est que les journalistes, les reporters vont se donner un rôle particulier, mener l'enquête, à en savoir plus. Aller plus vite que la police. Aller plus vite ou en concurrence avec la police. Ils se donnent une espèce de dimension qui est à la fois évidemment professionnelle et mercantile pour vendre du papier, pour être en quelque sorte des acteurs de cette société qui se démocratise en parallèle avec de plus en plus de lecteurs qui lisent. Et ça, c'est sans doute pour partie nouveau. En tout cas, ça prend, avec l'affaire de l'Éventreur, une dimension vraiment, vraiment, vraiment très importante. On peut s'étonner aussi que la presse s'intéresse à des meurtres de prostituées. Les prostituées, c'est quand même des êtres qu'on méprise beaucoup. Ben, elles sont considérées comme des infortunées, comme on dit pudiquement. Alors, on parle beaucoup, effectivement, par euphémisme dans les journaux. On ne dit pas les vrais mots, mais tout un jeu de sous-entendus qui permet, effectivement, aux lecteurs attentifs de comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc il y a ce jeu qui est assez caractéristique de la morale, d'une certaine forme de morale victorienne telle qu'elle se développe à l'époque, à savoir qu'à la fois on est très puritain dans les formes, il y a des tas de choses, effectivement, tout ce qui a rapport pour aller vite au sexe, tout ce qui est en dessous de la ceinture, qui est tabou dans l'expression, on va dire, la plus explicite, mais en revanche, on sait très bien que dans les pubs, mais dans les slums de la ville, dans les taudis de la ville, mais aussi dans les beaux quartiers, parce que depuis assez longtemps, en Angleterre, on dit, comme d'ailleurs ailleurs, que les bordels de Londres ou des grandes villes sont aussi peuplés de gentlemen, de pervers qui appartiennent à la bonne société. Donc il y a un double discours qui fait que ces questions, effectivement, en l'occurrence là, le meurtre et les mutilations abominables de prostituées sont quelque chose, effectivement, qui font beaucoup parler, qui constituent effectivement une matière, comme on dit à l'époque, pour les journaux, qu'on investit et qu'on va effectivement exploiter jusqu'à la corde. Et les journaux reçoivent des lettres de lecteurs également qui prétendent avoir des informations. On a conservé la plupart de ces lettres qui sont reçues par les journaux, mais aussi par la police. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Londoniens et d'étrangers qui ont effectivement écrit. Alors, pour tout et n'importe quoi. Certains, effectivement, pour dire « je le connais, je l'ai vu », d'autres pour donner des éléments, d'autres pour dénoncer. Enfin, il y a une multitude. Et puis, bien sûr, des tas de plaisantins, entre guillemets, ou pas, qui disaient « c'est moi ». Rien ne prouve que la lettre qu'on a entendue, le « Dear Boss », la première, effectivement, celle qui est tellement importante parce qu'elle va donner un nom, elle va nommer le tueur. Rien ne prouve d'ailleurs que ça soit vrai, que ça soit le vrai tueur. En tout cas, c'est quelque chose de fondamental parce que tout d'un coup, il va y avoir une sorte de nom de marque. Enfin, c'est un label déposé. français, Jack l'Éventreur, Jack the Ripper. Mais effectivement, le public londonien, britannique et même plus largement, parce que toute cette affaire est aussi diffusée et colportée par les journaux sur on le continent, aux États-Unis, France, un petit peu partout. Ouais. Ah oui, bien sûr, ça circule énormément. Ça fait parler. On envoie des lettres. Ça veut dire que c'est aussi une société, bien sûr, qui lit. Je crois que c'est important à dire. Déjà, qui lit des nombres d'exemplaires de journaux extraordinaires. Et puis, qui s'investit, en quelque sorte, d'une certaine manière, c'est un peu paradoxal, de dire ça, mais il y a une sorte de fonction de démocratisation là-dedans. On est dans une société qui se démocratise lentement, dans laquelle, effectivement, pour l'instant, seuls les hommes, mais ils ont maintenant presque tous le droit de vote, dans laquelle il y a un désir d'investissement dans la vie de la cité. Or, ce qui se passe dans les ruelles de Whitechapel, ce qui se passe la nuit quand le fog a monté et quand le brouillard qui envahit se mélange avec la fumée, ça devient le smog. Ouais, ouais. Ça effectivement les gens vont effectivement en rendre compte et donner leur part. Deux ans auparavant, il y a eu cette affaire extraordinaire à Londres de la Pall Mall Gazette qui avait effectivement monté une affaire sur la prostitution des mineurs, des jeunes vierges dans la ville de Londres, qui avait vendu des milliers et des milliers d'exemplaires. Il y a, à cette époque, une grande fascination et une vraie sensation de la société britannique pour tous les dessous troubles, scabreux et honteux de la vie britannique, dans lesquels la sexualité et la prostitution sont sans doute les aspects les plus dominants. Dominique Khalifa, on a beaucoup dit dans l'affaire Jack l'Éventreur que cette affaire justement révélait aux Anglais un peu leur face cachée, l'envers du décor brillant, propre parfois de la société victorienne. L'année qui précède les meurtres, Stevenson publie L'étrange cas du Dr Jekyll and Mr Hyde, qui est en quelque sorte une métaphore assez claire de ce Janus, de ce double face effectivement. Même homme qui peut être à la fois un médecin respectable, c'est le maître mot de la société britannique, la respectabilité, mais la nuit ça devient un effroyable criminel qui hante les bas-fonds, tue, recourt à des prostituées, et tout ça dans la même personnalité, une espèce de schizophrénie de la société victorienne, dont l'affaire The Ripper rencontre, puisqu'après on va accuser, on a entendu là dans la fiction que les premiers suspects, mais ensuite on va accuser, y compris jusqu'à des membres de la famille royale. C'est aussi, Dominique Khalifa, c'est le monde de la ville aussi. C'est quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui fait peur un peu dans la ville. Oui, la ville fait peur de longue date quand même, c'est Babylone au bout du compte. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que beaucoup de textes qui vont parler effectivement de ces mauvais quartiers, de ces bas-fonds londoniens vont faire ressurgir le terme de Babylone, la moderne Babylone, la nouvelle Babylone. Oui, on idéalise un peu la campagne, le mode de vie ancien. Oui, la campagne c'est bucolique et la ville c'est le mal. Et Londres est devenue effectivement, pour cette société qui est aussi une société très religieuse, la société victorienne, et Londres et cette Babylone moderne. Oublions pas que c'est Caïn qui a inventé la première ville pour se cacher après son meurtre. Et on retrouve ça, c'est des choses qui reviennent très profondément dans les ressorts ou dans les représentations des Londoniens. Alors ce qui fait peur aussi, c'est éventuellement une possibilité d'une révolution, en tout cas d'une révolte sociale, parce que ces quartiers sont des foyers d'ouvriers, éventuellement de contestation sociale. Alors on a peur surtout effectivement des émigrés, on a peur de ces gens qui arrivent de l'Est, notamment des Juifs. L'antisémitisme est assez important dans cette Grande-Bretagne du dernier tiers du 19e siècle, qui colportent des théories funestes. Et c'est vrai, effectivement, que ces années 80, et encore plus 90, sont des années où le mouvement social qui s'était un petit peu assoupi, enfin un petit peu calmé, reprend effectivement de la vigueur. On a un syndicalisme plus brutal, on a effectivement de grandes peurs d'un nouveau radicalisme en Grande-Bretagne. Alors tout ça se mélange un petit peu. Les taudis, les délinquants, les prostituées, les émigrés, les révolutionnaires en puissance pour effectivement faire de Londres une espèce de chaudron dans lequel dans les zones les plus opaques, il se passerait des choses qui risquent effectivement d'emporter dans un apocalypse nouveau la respectabilité de la société victorienne. Et vous disiez tout à l'heure que des bourgeois, il y en avait qui venaient s'encanailler. C'est une vieille tradition. Dans les bas-fonds, pour notamment trouver des prostituées. Oui. Et donc, il y avait peut-être aussi cette peur dans la société d'une d'une propagation des maladies vénériennes. Alors, c'est une grande crainte de l'époque. La Grande-Bretagne vient d'abolir peu de temps auparavant les lois sur les maladies contagieuses, parce qu'on craignait trop de réglementation de la part de l'État, mais ça demeure effectivement une grande crainte. Vous évoquez ces gens, mais dans le roman de Wilde, qui est un petit peu plus tardif, il va Dorian Gray. Il va se perdre in fine dans ces bas-fonds de Whitechapel. On est là dans le même imaginaire. Et vous l'avez dit, on assiste à des réactions xénophobes, voire antisémites. Dans cette affaire de Jack l'Éventreur, à un moment, on trouve un graffiti sur un mur. Effectivement, c'est assez important. Il faut dire qu'il y a une très importante communauté de juifs venus de Russie à cette époque. Souvent, beaucoup d'entre eux ne font qu'une halte à Londres avant de partir vers les États-Unis. Mais effectivement, ce sont des dénonciations qui sont assez nombreuses et qu'on retrouve, et qui va d'ailleurs inquiéter les autorités qui vont essayer de ne pas trop les expliciter, craignant effectivement des débordements. Et cette société victorienne, c'est aussi une société qui refuse de voir la réalité. Est-ce que peut-être justement cette affaire, ça a été l'occasion d'avoir un regard plus objectif sur la réalité sociale, cette prolifération des maladies Oui, sur les ressorts économiques et sociaux profonds de la misère qui gangrène l'East End, oui. Jusque-là, les motifs principaux qui étaient mis en avant, c'était le vice. On commence effectivement à avoir des lectures plus sociologiques, plus précises, plus objectives effectivement de l'ensemble des données et des critères qui produisent cette misère. C'est assez concomitant. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans la fiction qu'on a entendue, c'est le moment où le héros fait une référence avec l'Empire colonial. Au bout de la ligne, il y a une espèce de monde de sauvages. Au bout de la ligne de métro. Voilà, au bout de la ligne de métro. Et je pense que c'est très intéressant de voir que cette Grande-Bretagne, qui à l'époque est en train d'investir l'intérieur du continent africain, est aussi en train de découvrir que les mondes sauvages sont aussi au cœur de Londres et au cœur de la métropole. Au cœur des ténèbres, comme disait Joseph Conrad. Alors, l'affaire Jack l'Éventreur marque aussi un tournant dans l'histoire de la police et des méthodes d'investigation. Nous en parlerons davantage dans l'émission de dimanche prochain, ainsi bien sûr que des nombreuses hypothèses, thèses sur la véritable identité du premier tueur en série de l'histoire. Des hypothèses parfois très étayées et parfois très farfelues. Merci beaucoup Dominique Khalifa. Merci. Votre livre, Les Bas-fonds, Histoire d'un imaginaire, est édité au Seuil dans la collection L'Univers historique. Et vous êtes aussi l'auteur, avec Emmanuel Blanchard, de la série documentaire Faits divers, l'histoire à la une, diffusée sur Arte en septembre dernier et disponible en VOD, avec notamment un épisode sur Jack l'Éventreur. Autant en emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, le deuxième épisode de Jack l'Éventreur, la contre-enquête, avec le journaliste James Finch et son acolyte, le flegmatique Basil Huntley. Nous poursuivrons notre enquête à Londres sur les traces du meurtrier énigmatique qui sème la terreur parmi les prostituées de l'East End. Pour en parler, je recevrai le sociologue et romancier Michel Moatti. Jack l'Éventreur, la contre-enquête épisode 2, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes, bien sûr, après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.